Je n'ai jamais travaillé, je suis jamais allé au bureau. Je me lève pour aller pousser avec mes négros des muraux. Je ne sais rien faire de mes mains, par sécher mes larmes. Je suis flamme, déflagration, arme, un drame national. Mère en estraire, car un enfant menotté à tous les coups. Maîtresse ne peut menoter à car absent tous les coups. Du coup je n'ai aucun diplôme, j'ai que dalle sa mère. M'en sortir sans l'illicite, je n'y arriverai jamais. J'y pense à tout même, à séquestrer le pape. Je pense à sortir un album, je pense à arrêter le rap. La race à rien ne m'aime pas, car je suis un point rien. De français, je plane, je fais des reins, rien. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je souris. Aujourd'hui, je crois que je vais me rendre, j'en ai marre de courir. Aujourd'hui, mangerai en l'air, j'aurai mon dernier fou rire. Dur de sauver de l'argent, pourtant l'argent nous sauve. En banlieue, je suis devenu fauve, sauvage, devenu chauve. Drogué jusqu'en rose, dans mon 108 zoos. Je n'ai jamais travaillé, je suis jamais allé au bureau. Je me lève pour aller pousser avec mes négros des muraux. Je ne sais rien faire de mes mains, par sécher mes larmes. Je suis flamme, déflagration, arme, international. Mère en estraire, car un enfant menotté à tous les coups. Maîtresse ne peut menoter à car absent tous les cours. Du coup je n'ai aucun diplôme, j'ai que dalle sa mère. M'en sortir sans l'illicite, je n'y arriverai jamais. J'y pense à tout même, à séquestrer le pape. Aujourd'hui c'est peut-être la dernière fois que je souris. Aujourd'hui je crois que je vais me rendre, j'en ai marre de courir. Aujourd'hui mangerai en l'air, j'aurai mon dernier fou rire. Dur de sauver de l'argent, pourtant l'argent nous sauve. En banlieue, je suis devenu fauve, sauvage, devenu chauve. Drogué jusqu'aux os, dans mon 108 zoo.